بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تصفية الدعوة السلفية قوة الله والله. الدعوة السلفية، الدعوة السلفية. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. الدعوة السلفية، الدعوة السلفية. الدعوة السلفية باليمن. أنا بليزير دو بريزونتي. شرح تلخيص صفة الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها للإمام المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه. Cours dispensé en direct de InSpeak par Abu Yusuf Abdullah Al-Aji. Cours numéro 30. Cours numéro 30. Sujud al-Sahw. La prosternation de distraction. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a atharahum wa iktafa. Amma ba'da fi nasdaq al-hadith kitabullah. وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, donc إن شاء الله on va procéder à la révision du cours précédent dans lequel on a pu évoquer التشهد الأول. الشيخ il a pu nous évoquer le jugement de ce تشهد. Qui nous rappelle le jugement du تشهد الأول? C'est un واجب من واجبات الصلاة. نعم, c'est une obligation, obligatoire. Qui se rappelle du دليل pour cela? النبي صلى الله عليه وسلم il a ordonné cela. De quelle manière ils ont déduit cela? Lorsqu'il a dit An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, idha qa'adtum lis-salah, idha qa'ada ahadukum lit-tashahhud, falyaqul at-tahiyyatu lillah ila akhir al-hadith. Donc An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a ordonné de dire cela, cette formulation de tashahhud, n'am, lorsque la personne s'assoit pour tashahhud. Donc le fait qu'il nous ordonne de dire cette formule là, comme ils disent ma la yatim, ma la yatim al-wajib illa bihi fa huwa wajib. L'accomplissement d'une obligation, si jamais elle doit passer par une chose, cette chose-là deviendra kadalika wajib. Donc le fait de s'asseoir pour dire cette forme-là qui est obligatoire, ça rend de cette assise-là qu'elle est obligatoire. Et comme on a pu le voir kadalika, le fait que An-Nabi sallam, lorsqu'il avait délaissé la tashahhud de l'awwal, il s'est levé directement et ensuite il a compensé cela avec le sujud de sahw, la prosternation de distraction. Donc ceci nous prouve que cette chose-là, elle est obligée, même obligée au moindre des degrés. Car le Prophète, comme on va le voir aujourd'hui, il ne se prosterne que pour les choses qui sont obligées ou bien qui sont des piliers. Quant à la manière de s'asseoir, c'est la même qui doit être observée lorsque la personne est assise, c'est-à-dire au niveau des jambes, lorsque la personne est assise entre les deux prosternations. C'est-à-dire en s'asseyant sur le pied gauche, en dressant le pied droit, en mettant les orteils du pied droit en direction de la Qibla. Et tout cela, c'est mustahab. Et dans cette assise-là, il est interdit de s'asseoir de la manière qui s'appelle al-iqa'a. Car Nabi Sallam, il n'a pas ordonné cela, il a ordonné que entre les deux prosternations. Quant à la main, on a pu le voir que la main gauche, elle devait être yani sur, le coude gauche, l'avant-bras de la main gauche, il doit être sur la cuisse gauche. Et la main, c'est-à-dire la paume, soit sur la cuisse ou soit sur le genou. Quant à la main droite, le coude, s'il peut, il faut le poser sur la cuisse droite. Et ça, c'est une sunna, si jamais on a la capacité. Et quant à la paume, il y a trois manières pour cela. Qui c'est qui nous rappelle les trois manières qu'on doit observer avec la main droite lorsqu'on est dans le tashahhud. Non. Le doigt en direction de l'index, en direction de la qibla, et le pouce en parallèle à l'index, c'est-à-dire en dessous. Et les autres doigts repliés dans l'intérieur de la paume. Le pouce sur l'index. Non. La deuxième kayfiya, la même chose, sauf que le pouce, il doit être sur le majeur. Faire un rond avec le majeur et le pouce. Non. Et le reste des doigts, l'index en direction de la qibla, et le khinsir wal binsir dans la paume de la main. Et la troisième, je l'ai dit, c'est-à-dire que tu replies tous tes doigts dans la paume, à l'exception de quoi l'index, il est en direction de la qibla, et ton pouce, il est sur la majeure. Donc ça, c'est trois manières de faire. Et ces manières-là, il faut les observer pour varier. Vu que Nabi sallallahu alayhi wa sallam a varié, donc il faut les varier. La sunna, c'est de varier. Et ne pas s'en tenir à une seule manière de faire. Quant à l'index, est-ce qu'il est légiféré de le remuer lorsque tu fais la tashahhud? Non, il n'est pas légiféré pour ça. Le hadith qui a été évoqué sur cela, c'est un hadith qui est daif. Un hadith shadh. Shadh va fihi, naam. Zaïda ibn Qudama. Ce rawi, il s'est opposé à de nombreux rapporteurs qui sont mieux qualifiés que lui et sont plus nombreux que lui. Parmi eux, Sofianan wa Shu'ba ibn Hajjaj, Amir al-Mu'minin fi hadith. Donc le hadith, il est daif. Il y a un hadith qui est venu dans lequel il est évoqué qu'il ne doit pas faire cela. Lakin ce hadith-là, kadalak, il est daif. Donc il doit faire une isha'ala. Sheikh al-Albani, rahimahullah ta'ala, dit qu'il n'y a pas de contradiction entre ces deux hadiths. L'un explique l'autre. Il dit, le hadith qui est évoqué dans lequel il dit yuharrik, il vient pour expliquer le hadith dans lequel il est évoqué yushir, il monte. Lakin on a pu le voir que ça, c'est pas l'azim. Ça, c'est pas forcément une explication qui en suit. Car lorsque tu pointes ton doigt vers une chose, c'est pas forcément que tu remues ton doigt pour cela. Pointer le doigt, c'est une chose, et le remuer, c'en est une autre. Et l'un n'applique pas l'autre. Forcément. Est-ce qu'il est légiféré pour cela de faire ça, c'est-à-dire de remuer, ou plutôt y aller, de pointer l'index avec la main gauche, ou bien avec les deux mains, juste la main droite? Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, il a évoqué cela, et on a oublié d'évoquer le hadith, et alhamdoulilah, on l'a trouvé. Rawahu Abu Huraira, ou plutôt Rawah Imam Tirmidhi, rahimahullah ta'ala, an Abu Huraira, radiyallahu ta'ala anhu, anna rajulan kan yad'u bi isba'ayhi, faqala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ahid, ahid. Et il a authentifié le hadith par Cheikh Muqbil, alayhi rahmatullah. Donc ce hadith-là, qui est authentique, rapporté par Al-Tirmidhi sur Abu Huraira, radiyallahu anhu, qu'une personne était en train de pointer ses deux doigts, c'est-à-dire l'index de la main droite et de la main gauche, en direction de la Qibla lorsqu'il était en tashahhud. Lorsque le Nabi sallam l'a vu cette personne faire cela, il a dit ahid ahid, c'est-à-dire utilise qu'une seule main. Et dans une autre version qui est rapportée par Abu Ya'la, rahimahullah ta'ala, selon Abu Huraira كذلك, et il a authentifié le hadith par Cheikh Muqbil alayhi rahmatullah, anna Nabi sallallahu alayhi wa sallam absara rajulan yad'u bi isba'ayhi jami'an fanahahu wa qala ihdahuma bil yamin. Il nous a dit que le prophète alayhi sallam, il a vu une personne. Il observe une personne qui faisait les doigts avec ses deux doigts pendant le tashahhud. Il lui a interdit cela et lui a dit avec une de tes mains et avec la main droite. Avec la main droite. Donc ça se trouve que la main gauche, c'est interdit de faire cela. Dans cette assise, nous a évoqué Shir que les mains doivent être. Quel est le jugement de laisser ses mains sur les cuisses pendant le tashahhud? Recommandé, quand même. Et ce qui est interdit, c'est quoi? De mettre ses mains à terre, surtout sur la main gauche, en s'appuyant sur la main gauche, car c'est l'assise de ceux qui ont encouru la colère d'Allah Azza wa Jal, al-Yahoud al-Mal'ounin, les maudits. Quant au regard, il doit être fixé vers l'endroit où tu te prosternes, ou bien vers ton index, ou bien vers la Qibla, si jamais tu es à Mecca, مثلاً. Vers l'index, comme dit le hadith. Kana la yujawizu basaruhu, sababata, ou isharata. Le professeur sallallahu alayhi wa sallam, il fixait l'endroit, plutôt son index. c'est-à-dire de pointer le doigt, l'index vers la Qibla, est-il légiféré au moment où tu fais l'attestation des deux fois ou bien pendant au cours du tashahhud, c'est-à-dire du début jusqu'à la fin, du début à la fin. Et ceux qui font cela, c'est-à-dire au moment où ils font les deux attestations de foi, quel est le jugement de cela? Non, ils n'ont pas de khasin hat, c'est une bid'a, comme l'a dit Cheikh Al-Albani, alayhi rahmatullah, dans son explication de, ou plutôt dans l'ouvrage Sifat al-Salah, celui qui est en trois volumes. Il expliquait cela qu'il n'y avait pas de asl. Ces choses-là n'ont pas d'origine dans leur kitab et n'est dans la sunna. Donc ça, ceci, c'est une chose qu'il ne faut pas faire. Qala alayhi rahmatullah, siratu tashahhud wa du'a ba'da. Les formules qui doivent être observées pendant le tashahhud et les invocations qui doivent être dites après yani cette formulation, après tashahhud. Qala alayhi rahmatullah, wa tashahhud wajibun. Comme on a pu le voir, que le tashahhud c'est une obligation. Ce qui nous prouve cela, comme on a pu le voir, hadith Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, lorsque Nabi sallam l'a dit, idha qa'adtum fi kulli rak'atayn faqulu tahiyyatu lillah. Lorsque vous asseyez à chaque deux unités de prière, dites at-tahiyyatu lillah. C'est-à-dire que il faut le dire cette chose-là, c'est une obligation. Donc le fait de dire cette chose-là, il faut que tu marques un temps d'arrêt, il faut que tu t'assoies. Pour pouvoir le dire, donc le fait que tu t'assoies, c'est une obligation. Car il était obligé de dire à ce moment-là ce que Nabi sallallahu alayhi wa sallam a évoqué, c'est-à-dire les formules qui sont légiférées pour cela. Kadhalika, on a pu le voir à travers le hadith d'Abdullah ibn Buhayna, radiallahu anhu, fi Bukhari al-Muslim, dans lequel Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait délaissé et tashahhud, et ensuite il a compensé cela par deux prosternations, des distractions. Donc ceci nous prouve que at-tashahhud, comme on a pu le voir, c'est une obligation. قال إذا نسيه سجد سجدتي السهو. Et s'il oublie de faire ça, ceci, c'est-à-dire tashahhud, il doit se prosterner de deux prosternations qui s'appellent les prosternations des distractions. Donc inshallah tabaraka wa ta'ala, on avait l'intention de lire, si jamais ce livre se finissait, un épître dans lequel a rédigé Cheikh Al-Uthaymeen alayhi rahmatullah les règles concernant le sujoud al-sahw. Lakin inshallah on a pu l'achas cette mas'ala, et cette mas'ala là elle est longue, donc aujourd'hui inshallah on va évoquer cette mas'ala là qui est sujoud al-sahw, la prosternation de distraction, à quel moment on doit être dit, quel est son jugement, et l'akhiri. On va évoquer ce qu'on peut évoquer, et s'il y a des choses encore qu'il faut ajouter, inshallah on l'évoquera dans un prochain cours. Les règles et les jugements concernant cette mas'ala, ce sujet-là, font partie des choses les plus importantes ou des plus importantes dans la prière. Car celui qui prie n'est pas exempt dans sa prière de se tromper ou bien d'oublier ou bien d'avoir un doute dans sa prière. Et l'islam, il est venu, il a légiféré cette chose qui s'appelle ce sujet de sahou afin de combler ces manquements-là qu'il peut avoir dans la prière et qui arrivent dans la prière. والنبي صلى الله عليه وعلى سلم وهو أفضل الخلق وهو سيد بني آدم. C'est le meilleur des hommes et le meilleur des messagers. Ça lui est arrivé de oublier dans sa prière. Donc que dire des personnes qui sont en dehors du rang du prophète صلى الله عليه وسلم, ils sont plus amenés à ce que ils oublient pendant la prière. ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين dans le recueil de Bukhari et Muslim أنه عليه الصلاة والسلام صلى إحدى الصلاة فلما سلم قيل له يا رسول الله أحدث في صلاة شيء. النبي صلى الله عليه وسلم un jour il a prié une prière et ils ont observé les compagnons, ceux qui étaient derrière lui, que la prière avait des petites modifications. Donc ils lui ont fait un rappel et ils lui ont dit يا رسول الله, y a-t-il des modifications qui sont survenues dans la prière, c'est-à-dire est-ce que Allah عز وجل a légiféré une nouvelle chose dans la prière, car tu viens de faire une chose que tu ne faisais pas auparavant. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما ذاك؟ quelle est cette chose là qui a été modifiée dans la prière؟ قالوا صليت كذا وكذا. Ils lui ont dit tu as prié de telle sorte et de telle sorte. فثنى رجلي واستقبل القبلة وسجد سجدتين ثم سلم فلما اقبل علينا بوجهه قال انه لو حدث في صلاتي شيء لنبأتكم عليه ولكن انما انا بشر مثلكم انسى كما تنسون فاذا نسيت فذكروني الحديث. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'ils lui ont dit que tu as fait ceci et cela, il a vu que ce n'était pas une chose qui était modifiée, mais un oubli de sa part. Donc il s'est mis en direction de la Qibla, il a rejoint ses pieds, et il s'est mis à se prosterner deux fois de suite. Et ensuite, il a conclut sa prière avec le taslim, et ensuite il s'est orienté vers les sahaba, et il leur a dit, si jamais une chose survient dans la prière, c'est-à-dire une modification qui est légiférée de la part d'Allah Azzawajal, certes, je n'aurais jamais manqué de vous l'informer. Lakin, je suis un être humain comme vous et j'oublie comme vous oubliez. Si j'oublie dans la prière, ou bien si Idanasito, il a dit Mutlaqan, si jamais j'oublie, n'oubliez pas de me rappeler. Donc le prophète, qui était la personne la plus concentrée dans sa prière, a certes oublié à ce moment-là. Donc, des ahkam, des jugements, des règles sont relatives à ce genre d'oubli, à ce genre de situation, qui s'appelle ce de Saoum. Et c'est une chose qu'il ne faut pas négliger car tu dois connaître les ahkam qui sont relatifs pour pouvoir combler ce manquement que tu as oublié dans la prière et ne pas seulement te contenter de savoir comment prier. Kazalika, savoir comment combler les manquements dans ta prière. Ceci fait partie, kazalika, des obligations à connaître à chaque musulman. Ceci nous prouve que cette mas'ala-là, c'est une chose qui est vraiment importante de connaître. Wa kazalika shaytan. Il ne manque pas de chambouler les prières quand ils sont dans la prière, afin de, leur faire oublier combien ils ont prié. Donc ceci, yani, ces deux arguments-là nous prouvent que cette mas'ala, elle est vraiment obligatoire de connaître, et la négligence dans ce sujet-là est vraiment très grave. Car Shaitan, il ne se lasse pas de venir perturber les prières, comme on a pu le voir dans le hadith d'Abi Hurayra, muttafaqan alayhi, annahu qala. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يسعى أو بالمعنى يسعى حتى يختار بين المرء ونفسه يقول أذكر كذا أذكر كذا حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى. الشيطان ne se lasse pas de venir perturber les prières dans leur prière en disant rappelle-toi de ceci, rappelle-toi de cela. Il vient s'opposer entre eux, la concentration et sa prière, et la concentration et la personne qui prie, afin qu'il ne sait même plus combien elle a prié. Et le Nabi صلى الله عليه وسلم ensuite l'a dit, si jamais ça arrive ceci à une personne, cela à une personne, donc il y en a qui doit faire la prosternation de distraction. As-sujud plutôt as-sahu fi salah, la distraction dans la prière, elle est de deux catégories. Avant de savoir laquelle on va étudier aujourd'hui, il faut savoir qu'elle se divise en deux catégories. Une catégorie qui est réprimandable, et une autre qui est pardonnée. Celle qui est réprimandable, c'est celle qui est faite de manière avec négligence. Qui est faite de manière volontaire et avec négligence. Comme قال الله سبحانه وتعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. Malheur aux prières, ceux qui sont distraits volontairement dans la prière. Et ceci rentre le fait que tu délaisses les piliers ou bien les obligations de manière volontaire et kadhalika, que tu sortes les prières de leur temps. Toutes ces choses-là font partie de la distraction volontaire qui est réprimandée dans l'islam. قال الله عز وجل ويل للمصلين. Malheur à ceux qui prient de manière, il y en a qui sont distraits dans la prière de manière volontaire. Quant à la distraction qui est pardonnée, c'est celle qui est faite, de manière involontaire, qui est faite par inadvertance, qui est faite par oubli. Cette chose-là, c'est la mas'ala, c'est le sujet qu'on va évoquer aujourd'hui. À savoir que les causes de la distraction involontaire sont de deux, ou plutôt de trois catégories. L'oubli, ashak, aziyada, c'est que tu ajoutes dans la prière sans le vouloir, ou bien que tu diminues une chose dans la prière sans le vouloir. Et kadalika, ça rentre dans ashak, c'est-à-dire dans l'oubli, lorsque tu as une présomption. Tu as eu un oubli et ensuite, il t'est paru juste que, en vérité, tu avais fait ceci et cela, comme on va le voir, kadalika. Al-Sheikh Al-Uthaymin, il a une très bonne risale, un très bon épître dans ce sujet-là. Si jamais on aurait eu un peu de temps, on aurait eu même entièrement cet épître-là, car vraiment, c'est un résumé concis et qui est très profitable dans ce sujet-là. Lakin, Inch'Allah, dans la khas, on a résumé ce qu'il a pu évoquer et les choses qui manqueront, parce qu'on a perdu un peu de temps, on les évoquera, Inch'Allah, dans une prochaine assise. Bi'idhnillahu Azza wa Jal. Il dit, Cheikh, qu'est-ce que c'est à ce sujet-là? Il dit, yani, ibara an sajdatayn. يسجدهما المصلي لجبر الخلل الحاصل في صلاته من غير تعمد. Ça c'est de ma part, je l'ai ajouté. Il nous dit que sujud de sahw, c'est de se prosterner de deux prosternations afin de combler un manquement dans la prière, un manquement qui est survenu dans la prière de manière involontaire. Et sujud de sahou, c'est-à-dire c'est pour l'instant qu'on fait pour les choses qui sont survenues de manière volontaire dans la prière, pour combler ces oubliés-là, ces manquements-là, cette négligence, plutôt ce manquement-là. Et les soins relatifs à quoi ? Lorsqu'on se prosterne, c'est pour combler un oubli dans quoi ? Ou bien un manquement dans les arcanes, c'est-à-dire dans les piliers, ou bien dans les obligations. Amma les recommandations, les actes surrogatoires, ça ne rentre pas dedans, je veux ça. Donc, lorsqu'on se prosterne, c'est pour soit un oubli, un manquement qui a été fait dans un oubli ou bien dans un pilier. Amma les recommandations, ce n'est pas légiféré de faire cela. Certains ulama, ils ont dit que c'est bien si jamais tu as oublié de faire une chose qui est mustahab, de te prosterner, de la prostération, de la distraction, là qu'il n'y a aucune preuve qui prouve cela. Et la plus grande preuve qui nous prouve qu'il ne faut pas le faire, c'est que Al-Mustahab, c'est une chose que si jamais tu délaisses, c'est tout à fait possible de pouvoir le délaisser. C'est tout à fait possible de pouvoir le délaisser. Donc, une chose que tu as la capacité, ou plutôt la possibilité de pouvoir délaisser, à quoi bon venir après cela, la combler, alors que son délaissement, il est tout à fait possible. Nous, on vient plutôt, ce jeu de ça, où il était légiféré pour les délaissements. Et pour combler les choses que tu dois ramener. Donc, tu n'es pas légiféré de délaisser. Au contraire des recommandations. Amma, là, quant au fait de venir combler une obligation, un manquement dans cette obligation, ce qui nous prouve cela, comme on a pu le voir, hadith Abdullah ibn Buhayna, dans lequel le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il avait oublié faire tashahhud, à la fin, il est venu, et avant de faire at-taslim, il a combler cet oubli qui est sous jeu de ça, plutôt le teshahud, par quoi ? Par deux prosternations, deux distractions. Donc il s'est prosterné pour un oubli qui était une obligation. Et par rapport au, quant au arkan, c'est-à-dire au pilier, ce qui nous prouve cela qu'il faut se prosterner pour cela si on oublie, s'il y a un manquement, hadith dhul yadayn. Hadith dhul yadayn, qui est rapporté par Abu Huraira, muttafaqan alayhi, dans lequel Nabi Sussam, il avait pris le dhahr de deux rak'ah. Il avait oublié, ensuite ils lui ont dit que tu as pris le dhahr, deux rak'a. Ensuite, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a complété ces deux rak'a qui manquaient et ensuite il s'est prosterné. Donc il s'est prosterné, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi ? Pour le manquement qu'il a eu de délaisser deux piliers. Donc ceci nous prouve que la sunna du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, c'est de se prosterner, de combler le manquement des obligations ou bien des piliers et non des recommandations, comme l'on dit, ou l'ont prétendu certains des ulama qui n'ont pas d'argument sur ce qu'ils ont avancé. Dans la définition de sujud de sahw qui a été rapportée par Ibn Uthaymin, j'ai rapporté un ajout qui est min ta'ammudin bil amdiyah, lorsque ceci est fait volontairement. Car les ulama, ils ont dit, comme l'a dit Cheikh Al-Uthaymin, alayhi rahmatullah, celui qui délaisse une obligation ou bien un pilier de manière volontaire dans sa prière, ceci, ça fait partie de quoi ? De la parole d'Allah Azzawajal, فَوَيْلُ لِلْمُصَلِّينَ أَلَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاؤُونَ. Ceux qui sont distraits dans la prière de manière volontaire, qui délaissent les obligations, qui délaissent les arcanes de manière volontaire. Amma, les obligations, le fait de délaisser une obligation, comme on a pu le voir, c'est pas forcément que ça va annuler la prière. Lakin, certains des ulama, ils voient comme Cheikh Al-Uthaymin que lorsque tu délaisses une obligation de manière volontaire, ça annule la prière. Ça annule ta prière. Ils ont pris pour cela la preuve, pour preuve, yani la parole d'Allah Azzawajal, أنه قال سبحانه وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو تصيبهم أو يصيبهم عذاب أليم. Qui prennent garde, ceux qui s'opposent à l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam en délaissant l'obligation qui lui a, que Nabi sallam l'a adressée, qu'ils prennent garde que les touche une fitna ou bien un châtiment avédissant. Et kadhalika qawluhu sallallahu alayhi wa sallam man 'amila 'amalan laysa 'alayhi amruna fa huwa radd. Celui qui œuvre d'une manière qui n'est pas légiférée dans l'islam, son œuvre elle est rejetée. Et ça c'est des preuves qui sont qawiyah, qui nous dit que celui qui délaisse, même si on avait pu le voir que c'est pas forcément, c'est pour ça qu'on avait dit ça dès le début, lakin ces dalils là sont renforce l'avis de ceux qui disent que si jamais tu délaisses une obligation de manière volontaire, ça va annuler ta prière. Car comme l'a dit Nabi Sallam, la personne qui fait ça, et surtout si elle le fait de manière continue, Comme ça devient une coutume chez lui de délaisser maintenant d'un iman. Il ne fait pas takbiratul intiqal dans sa prière, alors qu'il sait qu'il doit le faire. On ne donne pas cher de sa prière. Et ça, c'est une bid'a dans le din. Qu'est-ce qu'il est en train de s'approcher d'Allah Azzawajal avec une chose que le Nabi Sassam n'a pas fait. Donc il a fait une chose qui n'est pas légiférée dans le din, et comme l'a dit le prophète Sassam, cet acte-là, il est rejeté. Donc il y a une élaborate de ceux qui disent ça, c'est une parole qui est vraiment proche. Tamam. On a peur pour ceux qui délaissent les obligations de manière volontaire dans leur prière, que leur prière soit annulée. Amma les piliers, c'est ma'rouf. Que tu les délaisses de manière que tu oublies ou pas, que tu l'as fait de manière volontaire ou pas, ma'rouf le pilier, tu peux que la ramener afin que ta prière soit acceptée. Comme on a pu le voir, innahu la tatimu salat li ahadikum hatta yafal kada wa kada. Il a dit, ne sera complète la prière d'une personne, de l'un d'entre vous qu'après qu'il aura fait ces choses-là. Donc ceci, que tu l'aies fait volontairement ou pas, tu l'oublies le pilier, ça annule ta prière. Amma l'obligation, les ulama ils ont divergé à ce sujet-là, à qui la parole de Cheikh Al-Uthaymeen elle est vraiment très proche de la vérité. Donc on a peur pour ceux qui délaissent les obligations de manière volontaire que leur prière soit, ne soit pas acceptée, car c'est le fait de se rapprocher auprès d'Allah Azzawajal avec une chose qui n'est pas légiférée, et ceci c'est la définition et un itel de quoi, de la bid'a, et la bid'a est rejetée dans la religion. Donc ce qui est voulu par là, c'est les choses qui sont délaissées de manière involontaire. Quant au jugement de Sujud al-Sahw, quel est son jugement? C'est ma'ruf. Sujud al-Sahw, ça vient quoi? Compenser une obligation ou bien un pilier. Donc le fait de compenser ces choses-là, une obligation, ça fait de cet acte-là qu'il est obligé. Car comme ils disent les ulama, « Ma la yatim al-wajib illa bihi fa huwa wajib ». La chose qui ne peut s'accomplir, ou plutôt l'obligation qui ne peut s'accomplir par une autre chose, prendra la même, le même jugement que cette chose-là, c'est-à-dire ça va devenir une obligation. Donc lorsqu'on se prosterne, c'est pour combler une obligation au moindre des degrés. Donc ça devient quoi? Ça devient une obligation. Et la preuve qui nous prouve cela, hadith ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, dans lequel قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين قبل أن يسلم. Lorsque l'un d'entre vous a rajouté dans la prière ou bien a diminué dans la prière, qu'il se prosterne de deux prosternations. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a quoi? Il a dit qu'il se prosterne. Donc il a ordonné ceci. Et le fait qu'il ordonne cela, ça fait de cet acte-là qu'il est une obligation. Qabla an yusallim. Wa kadhalika qawlu sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith ibn Mas'ud rapporté par Bukhari wa Muslim, dans lequel le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit falyataharra as-salat falyutim 'alayhi thumma liyasjud sajdatayn. Celui qui a une présomption dans la prière, qu'il s'assure de lequel des deux actes est le plus juste. Et ensuite, il complète sa prière et il fait deux prestations. Il a ordonné ceci. Donc le fait qu'il ordonne, comme on a pu le voir, au moins des degrés, c'est quoi? C'est que c'est une obligation. À partir du moment qu'il n'y a rien qui dévie cette obligation vers le jugement du pilier ou bien vers la recommandation. Donc la vie qui est juste, c'est quoi? C'est que c'est une obligation. Celui qui oublie une chose dans la prière, comme on va le voir, un manquement dans la prière de manière involontaire, que à partir du moment que ces choses-là sont des piliers ou bien une obligation, il doit se prosterner. Et ceci est une obligation. Quel est le jugement d'oublier une prosternation de distraction? Est-ce que ça, tu dois la ramener maintenant? Tu sais que tu devais faire la prosternation de distraction, et ça arrive. Tu oublies la prosternation de distraction. Il y a un sahih, c'est que celui qui oublie de ramener ce sujud de sahw, il doit la ramener quoi qu'il en soit, à partir du moment qu'il s'est rappelé. Les ulama ont divergé à ce sujet-là, lakin, al-sahir, c'est que tu dois la ramener parce que c'est une obligation. Cette obligation-là, tu dois la ramener. Si jamais tu t'es rappelé que tu t'étais pas prosterné, tu dois la ramener. Cette prosternation-là, tu dois la ramener, car c'est une obligation. Surtout pour ceux qui disent que lorsque tu délaisses une chose, une obligation de manière volontaire, ça va annuler ta prière. Donc là, ils disent que quoi? La prosternation de distraction, c'est, chez certains ulama, ils disent que c'est quoi? Non, même si jamais c'est un temps qui est long ou pas. Ça, c'est la vie, Wallahu A'lam, qui est prépondérant, Inch'Allah, qui est juste, qui est évoqué par Cheikh al-Islam, Taymiyyat rahimahullah ta'ala. Il y a une divergence par rapport à cela. Certains disent que si jamais c'est un temps qui est long, non, tu ne ramènes pas la prosternation de distraction, même si jamais tu t'es rappelé. Lakin, ça, c'est un col qui n'a pas de dalil. À partir du moment où on sait que c'est une obligation, et que certains, hatta des ulama, ils voient que c'est, si jamais tu le délaisses l'obligation, ça devient, ton acte, il devient quoi? Plutôt ta prière, elle devient quoi? Elle devient caduque. Elle est invalide. Donc, ceux vraiment qui voient cela, Tamam. Et c'est un qol qui est vraiment qarib, comme on a pu le voir, parce que ça devient une bid'a dans le din. Tamam. Ça peut devenir une bid'a dans le din. Donc ça veut dire que si jamais tu le délaisses, la prostration, distraction, même si jamais tu t'es rappelé après un jour, c'est-à-dire que tu as délaissé une chose qui est obligatoire, qui est dans ta conviction, qui annule la prière. Donc tu dois la ramener. Tamam. Tu dois la ramener, même si jamais tu as oublié. Et on peut même prendre pour dalil, قال النبي صلى الله عليه وسلم من نسي صلاته أو نام عنها فليصلي حين يذكرها حديث أنس متفق عليه celui qui a oublié la prière ou bien qui a dormi tamam, qui s'est endormi et qui n'a pas prié s'est endormi involontairement tamam, il dit à النبي صلى الله عليه وسلم qu'il doit prier et les ulama ils disent c'est la même chose pour celui مثلاً, qui a oublié de faire le wudu à partir du moment qu'il sait il a prié il a oublié de faire le wudu ensuite il a prié il s'est rappelé qu'il n'avait pas fait le wudu en vérité tamam, il n'était pas en état pur. Et là, à ce moment-là, il doit ramener le wudu et prier. Ils disent là, c'est la même chose. À partir du moment où tu oublies une chose qui fait partie intégrale de la prière, à partir de tu l'as oublié, au moment où tu t'es rappelé, tu dois ramener cette chose-là. Donc tu te prosternes de deux prosternations, ça c'est l'avis. Un des avis parmi les avis des ulama, et certains voient que si jamais c'est un temps qui est long, et bien à partir de ce moment-là, tu ne ramènes pas. Wallahu a'lam. Ensuite, kadhalika les ulama, comme c'est le cas de la majorité des savants, ils disent que si jamais cette prosternation-là que tu devais faire, elle est avant le teslim, et que tu ne la ramènes pas, ils disent que ta prière, elle est invalide. Pourquoi ? Parce que tu as délaissé une chose qui est obligatoire dans la prière, et cette chose-là vient combler une obligation dans la prière, donc le fait que tu délaisses une obligation dans la prière, c'est exposé à la fitna, c'est-à-dire à dévier et à sortir de Tariq al-Mustaqim, de la droiture, et na'am, et tu as œuvré, si jamais tu comptes, si jamais tu fais ça de manière continue, tu as œuvré yani, d'une manière qui n'est pas légiférée. Et la chose qui n'est pas légiférée dans le din, elle est rejetée. Donc ils disent que ça annule la prière. À partir du moment où tu as oublié de ramener sujud al-sahw, la prosternation des distractions, qui devait être faite avant le teslim. Ils disent que ça fait partie intégrale de la prière, donc si jamais tu ne la ramènes pas, et que tu as oublié de faire cela, et ensuite tu t'es rappelé, et ensuite après cela tu ne la ramènes pas, tu ne ramènes pas cette prostration, ils disent que ta prière elle est invalide, car ceci fait partie intégrale de la prière. Mais ils disent si jamais cette prostration de distraction-là doit être faite après at-taslim. Après at-taslim. Ils nous disent que là le hukm, le jugement, est différencié, car il est semblable aux choses qui sont extérieures à la prière, comme c'est le cas de la prière en commun, c'est une obligation. Si jamais tu la délaisses, est-ce que ça va annuler ta prière ? Non. Kedalikal adhan, c'est une chose qui ne fait pas partie intégrante de la prière, c'est une obligation. Lakin, est-ce que si jamais tu délaisses l'adhan, ça va annuler la prière ? Non. Kedalikal irama, ils ont dit, donc ces choses-là qui est faites après teslim, la prostration de distraction qui est faite après teslim, elle est semblable à ces choses qui sont extérieures à la prière, qui ne font pas partie de la prière. Donc ils nous disent qu'à partir du moment que la prostration de distraction elle a été délaissée, et à devait être fait après taslim, ils disent que ça n'est pas la prière, lakin tu auras commis un péché. Donc il faut un farq entre les deux, prostration, distraction, avant le taslim et après le taslim. Avant le taslim, ça annule parce qu'ils disent que ça fait partie intégrante de la prière. Et après taslim, ça annule pas car ils disent que c'est, ça fait pas partie intégrante de la prière, c'est semblable à la prière en commun, al-adhan ou al-iqam. Quant à l'endroit dans lequel tu dois te prosterner, as-sunnah, c'est que tu te prosternes dans les endroits que s'est prosterné le prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Comme on va les évoquer, Anabi Sufyan, il a oublié, il a eu des manquements dans sa prière de manière différente. Et toutes ces choses-là, il s'est prosterné dans des endroits qui sont bien différents. Donc le fait de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ses manquements pour combler les choses, ça fait partie de la sunnah. Amma al-hadith li kulli sahwin sajdatan ba'da at-taslim, c'est un hadith da'if. Il nous dit que, dans ce hadith-là, il est dit que la prosternation de distraction doit être faite après le teslim. Ça, c'est un hadith qui est daif. Que toute prosternation de distraction doit être faite après teslim. Ça, c'est un hadith qui n'est pas authentique. Al-Imam al-Mawardi, kadhalika, ou Ibn Abd al-Bar, alayhi rahmatullah, ils ont évoqué que si jamais tu te prosternes, que ce soit pour un oubli, pour un ajout, ou bien pour un manquement, une présomption dans ta prière, il nous dit si jamais tu t'es prosterné avant ou après le teslim, ça c'est ja'iz, c'est tout à fait possible et tu as le droit de le faire. Là, le mieux, ils ont divergé ensuite sur qu'est-ce qui est mieux. Est-ce que c'est de le faire avant ou après taslim? Ils ont divergé. Ah, mais si tu le fais tout le temps avant taslim ou tout le temps après taslim, tu as le droit de le faire. Tu as le droit de le faire. Et il n'y a aucune divergence par rapport au ulama. Si jamais tu ramènes ta prosternation de distraction après taslim de manière continue ou bien avant taslim de manière continue, même si jamais mathalan tu devais la ramener après taslim et tu l'as fait avant taslim ou vice versa, ils disent que ceci est un éhèche, tu as le droit de le faire. Tu as le droit de le faire, c'est possible. La kina al-afdal, c'est comme on a dit, de faire comme l'a fait le prophète. Mais la preuve qui nous prouve que tu as le droit de te prosterner dans n'importe quel moment, que ce soit après ou bien avant taslim, hadith ibn Mas'ud, rapporté par l'imam muslim, alayhi rahmatullah wa radiyallahu an ibn Mas'ud, annahu qala an-nabi sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, idha zada ar-rajulu fi s-salah, aw naqasa falyasjud sajdatayn qabla at-taslim. Celui qui a rajouté ou bien qui a diminué une chose dans la prière, qu'il fasse deux prosternations de distraction avant le taslim. Et c'est ma'rouf, un nabi sallallahu alayhi wa sallam, ça lui est arrivé de rajouter des choses dans la prière et ensuite il s'est prosterné après le taslim. Donc le fait que le nabi sallallahu alayhi wa sallam, il ordonne une chose, ou plutôt il légifère une chose et ensuite il fait sa sunnah, elle est contraire à la chose qu'il a ordonnée. Ceci nous prouve que le suivi est dans les actes. Tu dois le suivre dans ses actes. Et la parole, ça nous prouve que quoi? Que ces choses-là, elle est légiférée, elle est possible de faire. Lakin, le fait que Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il avait une habitude de se prosterner à tel moment et à tel moment, ceci nous prouve que c'est meilleur de le faire. Parce que Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il l'a fait. Vous avez dans le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam un bon exemple à suivre. Et kadhalika, ça a été rapporté kadhalika d'Ibn Mas'ud. Comme on peut le voir, que Nabi Sallam, un jour, il a prié à Dhahr de 5 unités de prière. Et ensuite, il a fait la prosternation de distraction après At-Taslim. Donc là, il a ajouté une chose, il a ajouté un pilier, et ensuite, il s'est prosterné après At-Taslim. Alors que dans l'autre hadith, il a dit que lorsqu'une personne ajoute ou bien diminue, il doit faire la prosternation de distraction avant le Taslim. Donc le fait qu'il nous ordonne, ou plutôt qu'il nous dise cette chose-là, ça nous prouve que c'est légiféré, c'est possible. Et le fait qu'il fait Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ceci nous prouve que c'est la sunna qu'il faut suivre dans la prosternation de distraction, le faire dans un endroit qu'il a fait, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, si jamais tu le fais avant ou après, c'est tout à fait possible. Amma, le afdal, le mieux, c'est de, comme on a pu le voir, faire comme l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si jamais tu as diminué dans la prière, si jamais tu as oublié de ramener une obligation, on va parler de l'obligation. Là, on parle des choses qui sont diminuées dans la prière. Un naqs. Il se divise en deux. Un naqs soufi al-wajibat, un naqs soufi al-arkan. Un manquement dans les obligations et un manquement dans quoi? Dans les piliers. Quant au manquement dans les obligations, tu dois combler ce manquement-là, si jamais c'est une obligation, par deux prosternations de distraction avant le taslim. Comme on a pu le voir à travers le hadith de Abdullah ibn Buhayna, radiyallahu ta'ala anhu, muttafaqun alayhi, lorsque le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, il avait oublié de faire un tashahhud, il s'est levé directement et ensuite, il s'est prosterné avant, le taslim. Summa sajada sajdatayn qabla at-taslim summa sallama. Il s'est prosterné de deux prosternations avant taslim et ensuite il a fait at-taslim. Donc ceci nous prouve, comme l'ont dit les ulama, donc il y en a tout manquement, tout acte, il y en a tout manquement dans les obligations, elles se comblent par deux prosternations de distraction avant le taslim. À moi, si jamais c'est un manquement dans le pilier, la prosternation doit être faite après le taslim. Comme dans le hadith Abi Huraira, plus connu dans le hadith de Dhi Yadayn, de celui qui, lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il avait pris al-dhahr de deux rak'ah. Ensuite, il a fait comme si jamais la prière était finie. C'est retourné vers ses compagnons, lui ont dit que tu as oublié dans la prière. Ensuite, le prophète il s'est levé, il a complémenté la prière. Il a complété la prière. Et ensuite, il a fait sajdatayn après le taslim. Il a fait sajdatayn après le taslim. Kama parle Abu Huraira, fassalla rak'atayn thumma sallama. Il a rattrapé les deux rak'ah qu'il n'avait pas fait. Ensuite, il dit thumma kabbara fa sajada. ثم رفع رأسه وكبر ثم ودعا يعني للسجود ثم رفع رأسه وكبر ثم سلم. Donc le prophète, il a complété ces deux rak'ah qu'il avait oublié. Ensuite, il a fait takbir. Ensuite, il a fait Teslim et ensuite, il a fait Takbir, c'est-à-dire pour aller faire les deux prosternations de distraction. Donc, ceci nous prouve que lorsque tu as un manquement dans les. Tu as porté plutôt. Il est survenu un manquement dans les piliers, la prosternation de distraction pour combler ce pilier-là, elle se fait après le Teslim. Quant à la ziyada, dans la prière, elle se fait que ce soit dans. Que tu rajoutes dans l'obligation ou bien dans les piliers, la prosternation de distraction se fait après le Teslim. Ça, c'est la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Comme dans le hadith d'Ibn Mas'ud, radiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah salla al-dhahr khamsan, faqila azida fi salah, faqala ma wa madha, qala salaita kada wa kada, salaita khamsan, fasajada sajdatin, thumma fasajada sajdatin ba'da an sallama. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il avait prié le dhahr de 5 unités de prière, ensuite ils lui ont dit que tu as prié de telle sorte, il a comblé cette ziyada, cet ajout, en se prosternant après le taslim. Donc ceci nous prouve que la ziyada, elle doit être faite après le taslim. Ça c'est là, l'afdal. C'est le mieux. Quant à la présomption, c'est-à-dire lorsque tu as eu un doute et ensuite il t'est paru que tu avais fait ceci et cela. Tu avais un doute, est-ce que la première unité, plutôt la deuxième unité de prière, c'était la troisième ou bien la deuxième. Tu as eu un doute, ensuite ce doute-là, il a disparu, et en vérité, tu t'es rendu compte que cette deuxième raka, c'est bien la deuxième raka, et non pas la première. J'ai oublié comment j'avais dit l'exemple. Donc la présomption, celui qui a une présomption dans la prière, il pensait cela, et ensuite, il a vu qu'en vérité, c'était ceci. Qu'est-ce qu'il doit faire, ou à quel moment, à quel endroit il doit placer sa prosternation de distraction pour combler cette présomption-là? Un ma'ruf, c'est qu'il doit le faire, barakallahu fikum, ba'da taslim. Ba'da at-taslim, après le taslim, comme cela a été rapporté par Ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu muttafaqun alayhi. Ça c'est la version de Bukhari dans laquelle il a dit an-nabi sallam idha shakka ahadukum fi salatihi falyataharra sawa falyutim alayhi thumma yusallim thumma yasjud sajdatayn thumma yusallim, muttafaqun alayhi. Donc lorsqu'une personne a un doute dans la prière, qu'il essaie de savoir quelle est la vie le plus juste. Et s'il a su quelle est la vie le plus juste, donc il continue sa prière, il la complète, et ensuite il fait le taslim, et ensuite il prie les deux prestations de distraction, et ensuite il fait le taslim. Ça, c'est lorsque tu as une présomption. Une présomption. Il a une présomption dans la prière, est-ce que j'ai prié kada ou kada? Il n'était pas sûr. Est-ce que j'ai prié ceci ou cela? Donc il n'est pas sûr. Dans la prière, il faut que tu sois sûr. Est-ce que cette raka'a-là, c'est la deuxième ou la troisième? Il a eu un doute. Et ensuite, il a vu que quoi? En vérité, c'était la troisième. Donc là, il était sûr. Donc ça, c'est ça la présomption. Amal Shak, c'est que tu ne sais pas. Il y en a lequel de tes avis qui trotte dans ta tête est juste. Ça, c'est le Shak, c'est le doute. Amal la présomption, tu as deux avis qui trottent dans ta tête. Lakin, tu as un des avis qui est pour toi plus juste. Ça, c'est la présomption. Amal la certitude, marron. Ça part sur le moment que tu as une présomption. Est-ce que lorsque tu as une présomption, tu te poses une question. Est-ce que c'est ceci ou cela? Non, en vérité, c'est cela. Présomption. Donc, comme l'a dit Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, il y a une part de doute, et cette part de doute-là, ensuite, elle a été amenée à disparaître par cette présomption-là, cette certitude. Lorsque tu as un doute, dans la prière, c'est-à-dire comme on a pu l'évoquer, tu as deux avis qui traînent dans la tête, tu ne sais pas lequel des deux est juste. La prosternation de distraction doit être faite qabla at-taslim, elle doit être faite avant at-taslim. Comme ça a été dit dans le hadith d'Abi Sa'id al-Khudri, radiyallahu ta'ala anhu, dans le recueil de l'imam muslim, alayhi rahmatullah, قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في الصلاة فلم يدري كم صلى ثلاثا أو أربعة فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. النبي صلى الله عليه وسلم dit, lorsqu'une personne a un doute dans sa prière, il ne sait pas s'il a prié trois unités de prière ou bien quatre, il dit qu'il délaisse le chèque. Donc le chèque, c'est quoi? C'est la quatrième. Amma trois, t'es sûr. Est-ce que j'ai prié trois ou quatre? Je ne sais pas. Donc tu prends quoi? Tu dois baser ta prière sur la chose dont laquelle tu es sûr. Ensuite, tu complémentes ta prière, et il nous dit ensuite, après cela, que la personne doit ramener la prosternation de distraction avant le taslim. Donc elle khalasa. À partir de quel moment tu ramènes la prostration distraction avant, tu ramènes la, à partir de quel moment tu ramènes cette prostration distraction avant teslim, c'est lorsque tu as quoi, oublié, tamam, lorsque tu as oublié, tu as un manquement dans une obligation, tamam, t'as pas ramené, t'as oublié d'en ramener quoi, une obligation, t'as pas ramené cette obligation là, à partir de ce moment là, comme on a vu le voir à travers le hadith d'Abdallah ibn Buhayna, tu dois faire le teslim, ou plutôt la prostration distraction avant teslim. Et kadhalika, lorsque tu as un chèque, un doute, le afdal c'est que tu ramènes cette prostration distraction avant teslim. Amma, si jamais tu as rajouté dans la prière, que ce soit dans un pilier ou bien dans une obligation, c'est après. Kadhalika, lorsque tu as une présomption, tu dois le ramener après. Et kadhalika, lorsque tu as eu un manquement, tu as même un axe, une diminution, dans quoi ? Dans les piliers. Tu dois ramener kadhalika, c'est afdal laka que tu fasses la prostration distraction après et teslim. Donc dans deux cas, tu ramènes qabla et teslim. Qui c'est qui se rappelle de ces deux cas-là ? Et dans 4 cas, ou plutôt non, dans 3 cas, tu dois le ramener après teslim. Qui se rappelle des cas là? Ça, c'est l'afdal, hein, t'as même. On est en train de parler de la situation qui est meilleure. Non, lorsqu'on a un doute et un manquement dans les obligations, ça c'est avant. Après tout le reste, c'est après. Non. C'est-à-dire lorsque tu as un manquement dans le pilier, lorsque tu as une présomption ou lorsque tu as fait un ajout. T'as même. Ça c'est après teslim, ça c'est afdal. Mais comme on a pu le voir, tu as tout à fait le droit de le faire avant ou après, d'inverser, même si jamais tu devais le faire avant, de le faire après, ou bien de faire après, si jamais tu devais le faire avant, comme l'a dit l'imam Ibn Abdul Bar, et kadhalika al-Mawardi, ça c'est bilijma'. Quant à la manière de se prosterner, comme ça a été évoqué dans le hadith d'Abu Huraira, radiyallahu ta'ala anhu, que la personne doit faire le sujoud comme a fait le sujoud dans la prière, tamam. C'est-à-dire la kayfiyya, la manière qu'on doit se prosterner, c'est ma'rouf, sur les sept membres et la khiri, tout ce qu'on a pu évoquer dans sujoud. Et pour cela, il doit faire takbir. Il doit faire at-takbir. Lorsqu'il a fait, que ce soit avant le teslim ou avant ou après teslim, il doit faire takbir. À chaque fois qu'il va en sujoud et à chaque fois qu'il revient du sujoud. Comme ça, là, a été évoqué dans le hadith Dhul Yadayn. Qala Abu Huraira, faqama Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. فصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر ثم ودع مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر. Donc ceci nous prouve dans ce hadith là que le prophète صلى الله عليه وسلم lorsqu'il a fait la prostration distraction, il a quoi? Il a fait le takbir à chaque fois qu'il a dans le sujoud et à chaque fois qu'il se relevait du sujoud. Et il a marqué un temps d'arrêt dans ces prosternations là qui était semblable aux prostrations qu'il a fait pendant la prière. Donc il faut dire les choses qui sont légiférées pendant la prosternation, comme c'est le cas dans la prosternation de distraction. Ça, c'est au niveau de la kayfiyya, de la manière de faire. Et kadhalika, yani, parmi les choses qu'on va évoquer vite fait, si jamais l'imam, il oublie, et toi, tu es président dans la prière, tu n'as pas oublié, toi. Lakin, l'imam, il a eu un manquement dans sa prière. Est-ce que tu dois te prosterner de la prosternation de distraction avec l'imam ou pas? Naram, tu dois le faire. Car Yanni, tu es obligé de suivre l'imam qui m'a dit le Nabi Sussam, il a m'a dit à l'imam, liutamma bih. Et kadhalika, les sahaba. Tamam. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait oublié tashahhud, eux, ils n'avaient pas oublié. Tamam. Même hatta dans une ruwaya, ils ont dit, subhanallah. En gros, pour avertir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il avait oublié de quoi? De faire tashahhud. Il voulait lui dire, reviens, assis-toi, t'as oublié de faire tashahhud. Et Nabi Sussam, il s'est levé, il a continué. Comme on va l'évoquer, inshallah, ça sera dans un cours. À suivre, Inch'Allah. Donc, les sahabes, ils n'avaient pas oublié, mais malgré cela, ils se sont tous prosternés avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'il était ordonné de suivre le prophète, alayhi wa sallam, mais ça, c'est une obligation. Même si jamais tu n'as pas oublié. Innama ju'ala l'imam, le tammabi. Et les ulama sont tous unanimes sur cela, comme l'a évoqué Ibn Mundhir, wa kadhalika Ishaq ibn Rahawai, alayhima rahmatullah. Que tu oublies ou que tu n'oublies pas, si l'imam l'a oublié, tu dois te prosterner toi derrière l'imam. Amma, si jamais toi, tu es venu, tu as rattrapé la prière. Tu as rattrapé la prière et l'imam, il a oublié dans la prière. C'est-à-dire que lorsque l'imam, il va faire teslim, tu dois te lever, toi, pour compléter ta prière. Si jamais la prostration de distraction, elle est faite avant le teslim, avant qu'il dise salam wa alaykum wa rahmatullah des deux côtés, toi, tu dois te prosterner avec l'imam. Amma, si jamais il fait après le teslim, s'il se prosterne après le teslim, c'est-à-dire qu'il va dire salam alaykum wa rahmatullah. Et ensuite il fait le sujoud de sahw, il fait le sujoud de sahw. Toi tu ne dois pas dire salam alaykum wa rahmatullah, mais tu dois te lever parce que ta prière elle n'est pas complète, elle n'est pas terminée. Donc tu te lèves Et ensuite, lorsque tu as terminé la prière, tu ramènes ces prostrations d'extraction. Après quoi ? Après taslim. Tu ne dois pas dire salam alaykoum wa rahmatullah alors que tu n'as pas fini la prière. Tu dois te lever. Et ensuite, tu ramènes cette prostration d'extraction que l'imam a faite afin de le suivre dans le fait que dans la présidence de la prière. Al-ma'moum, c'est-à-dire celui qui présidait, si jamais il a oublié et que l'imam lui l'a pas oublié. Si jamais ça, cet oubli-là, il se divise en deux. Plutôt les deux catégories. Si jamais la chose qu'il a oubliée, c'est une obligation, il ne doit pas se prosterner. Car c'est ma'rouf, comme on dit le ulama, suivre l'imam, c'est une obligation. Et cette obligation-là a fait disparaître yani, l'obligation de quoi ? De sujoud et sahou. Car yani, les compagnons, comme l'a évoqué Cheikh Naham Cheikh Al-Albani, alayhi rahmatullah, ils disent que ça arrivait aux compagnons d'oublier pendant la prière, et malgré cela, ça n'a pas été rapporté que l'un d'entre eux, après avoir été présidé par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il s'est prosterné d'une prostration de distraction. Ça n'était pas qu'il y en a apportément que ces choses-là, c'est une obligation. Même si jamais c'est un pilier, tu dois ramener ce pilier-là, le pilier que tu as oublié, tu dois le ramener, et ensuite tu dois te prosterner de la prostration de distraction, normalement. Parce que cette chose-là, c'est un pilier. Et comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la prière de l'un d'entre vous ne sera incomplète qu'à partir du moment où il aura fait ceci et cela. Donc après, il ramène la prostration de distraction pour avoir oublié ce pilier-là. Donc si jamais c'est une obligation, tu suis l'imam, tu ne dois pas te prosterner. Et si jamais c'est un pilier, tu dois ramener ce pilier et te prosterner après cela. Amma al-hadith laysa 'ala man khalfa al-imam sahw, ça c'est un hadith qui est da'if. Même si le sens il est vrai, ce hadith est da'if. Celui qui est présidé ne doit pas se prosterner de la prostration de distraction, c'est un hadith qui est da'if. Si jamais le ma'moum, celui qui est présidé, ou bien l'imam, il oublie plusieurs choses dans la prière. Il oublie une obligation et qu'à laquelle il oublie un pilier. Est-ce qu'il doit ramener la prostration de distraction pour chaque manquement et chaque oubli ? As-sahih, c'est qu'il ramène une prostration de distraction pour tous les manquements qu'il a eu dans la prière. Car le Nabi a dit quoi ? إِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتُ سَزْدَتَيْنِ. Lorsque l'un d'entre vous a oublié dans la prière, qu'il se prosterne de deux prosternations. Donc le fait qu'il dit que lorsque l'un d'entre vous a oublié, ça englobe yani tous les oublis. Un ou deux ou trois, c'est un terme qui est large et qui englobe tous les oublis. Donc, as-sahih, et le hadith est rapporté par Muslim selon Ibn Mas'ud, radiallahu anhu. Donc, as-sahih, c'est quoi ? C'est que tu ne dois pas ramener une prosternation pour chaque oubli, laquelle une prosternation va suffire yani, pour tous les manquements et les oublis dans la prière. Hadha huwa as-sahih al-mas'ala. Tamam ? Inch'Allah, sur ce, on va se contenter de cela. Tamam ? Barakallahu fikoum. Et le prochain cours, Inch'Allah, lundi prochain. S'il y a des questions, sinon, Inch'Allah, on se quitte. Et on se quitte sur cela. Faddal, tu dis ce que tu dois dire dans le sujoud. Tout ce qui est légiféré de dire dans le sujoud, tu le dis. Comme on peut voir dans le hadith de Naham, de Abu Huraira, hadith d'il yadayn, un Nabi sallam, yani kana, yasjudu fi sajdati sahw, yani bisujudin, touluhu katoul, as-sujud al-lazi sajada fi salah. Le prophète, as-salam, il s'est prosterné dans les prostrations de distraction d'une durée qui était similaire et équivalente à celle qu'il a fait pendant quoi ? Les unités, plutôt les autres prostrations dans la prière. Donc, ce qui nous prouve que il marquait un temps d'arrêt qui était long dans les prostrations. Donc, Kada les cas dans ce dossier, étudie les choses qui sont à dire dans la prostration. Car c'est une prostration. C'est une prostration. Donc, les jugements et les règles qui sont relatifs à la prostration sont les mêmes dans la prostration de distraction, car c'est une prosternation. Il n'y a pas de différence entre les deux. Naam, si on a la réponse, Inch'Allah ta'ala. Si on fait tarawih, chef al-Bayt avec l'imam à la mosquée, peut-on quand même refaire des prières ? Peut-on faire des prières au dernier tiers de nuit ? Est-ce que le witr fait avec l'imam clôture ? Plus de prières de fajr. Non. Tu peux rien y ajouter. Lakin, ce que tu ne dois pas faire, c'est deux witrs. Kemon kane bosom, laissa, yani, fil lail witran. Dans une même nuit, il n'y a pas de witr. Si jamais tu as fait le witr, tu peux rajouter après derrière. Lakin, tu pries de manière paire. T'as même, mais tu ne pries pas de manière impaire. Naam. Tu peux, yani, un hadith qui yani, hata yani, c'est connu de la sunna du prophète sallam, que lorsqu'il priait qiyam al-lail, ensuite il s'endormait, Et ensuite, il se levait après avoir fait l'huître et il rajoutait deux unités de prière avant Salat al-Fajr, avant Kadhalika Sunnat al-Fajr. Donc tu peux rajouter. Et le mieux, c'est de prier dans le dernier tiers de la nuit et de se contenter et de se limiter à faire 11 unités de prière, comme ceci est la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Lakin, si tu ajoutes, tu as droit de le faire. Allah ja'ala al-layla wan-nahar khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada shukura. Allah azza wa jalla, il a placé dans le jour et la nuit une durée pour pouvoir se rappeler d'Allah azza wa jalla, pour celui qui veut se rappeler. Donc le fait que tu ajoutes, tu peux le faire. Qala nabiy sallallahu alayhi wa sallam, salatu al-layl mathna mathna. La prière de nuit est pair et pair. Donc 10. Tu fais pas, non, tu peux faire l'huître, hein, si tu veux. Tu peux faire l'huître, mais après, tu refais pas un huître. Dans la preuve, on va dire, dans le premier tiers de la nuit, tu as prié avec l'imam près de l'Aïcha. Vous avez prié 11 rak'a. Et la 11e unité de prière, c'était quoi? Un huître. Ensuite, tu veux prier dans le dernier tiers de la nuit avec un imam, kadhalika qui fait tahajjud. Donc, toi, tu pries avec lui. Là, lorsqu'il va faire le huître, toi, tu fais pas l'huître avec lui. Tu fais pas le 8 avec lui. Ou si tu fais le 8 avec lui, tu te lèves après et tu fais 12 unités de prière en tout. C'est-à-dire que tu ne conclus pas sur un nombre impair. Tu as le droit, lakin, le mieux c'est de se contenter de faire 11 unités de prière derrière un seul et même imam et dans le dernier tiers de la nuit, comme le faisait le prophète, alayhi salatu wassalam. Tu as le droit de le faire. Inch'Allah, c'est bon, on se contente de cela. إياكم إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك مع تحيتي دماج أفاكم ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين، لا تركن إليهم، هؤلاء ثعابين.